Votre idée marche comme par magie, vous n'avez pas volé. Les Danois se disputent vos fruits, vous enrichissez. Mais avec vos allers-retours, vous ne voyez plus personne. Votre famille vous manque, et une question vous manque. Vous pouvez vivre modestement avec vos bénéfices. Vous préférez avoir du temps à l'épargne 46. C'est une chance que ça marche, vous voulez augmenter vos rentes. Vous profiterez plus tard, allez en plein 50.